T'as ramené l'huile là. Allez, on branche les enceintes de Recyclo. Y'a plus de place dans les coffres, mais y'a de l'ambiance dans le soufre. On danse en slip à côté du feu, tant que la tourelle tire pas, c'est heureux. Soirée sans slip à la raffinerie. Les flammes montent, les rires aussi. Rider skill met le sang, on oublie la survie. Ce soir c'est chill ou tragédie. Un ours, pas grave. Un raider, il danse avec nous. Les pièges sont tous décorés et le plan c'est rien. Soirée sans slip à la raffine. Les flammes montent, les rires aussi. Rider skill met le son, on oublie la survie. Ce soir c'est chill ou tragédie. On recycle tout, même nos soucis. Un lance-flamme dans une main, une canette dans l'autre. Recyc cruel, mais ce soir, on l'arrose. Soirée sans slip, à la raffinerie.